un 3-5-7 dans la poche. Ne bouge pas sinon je te tire dessus. Les plus belles viennent sans qu'on s'approche. J'écoute plus, mon cœur m'a trop déçu. Le con m'inspire, je sais pas pourquoi, me demande pas. Même si c'est dur à dire, je te dis qu'une fois, je te relance pas. Je représente ce qu'il déteste, le pire cauchemar, mon quotidien. Si t'es avion, tu vas se raccrocher. Sous le Kevlar, y'a qu'un chemin. Avec nos vies, tiens, y'a quoi faire, histoire sans fin. J'allume des 45, je sais que le temps nous donnera raison. Après la pluie, viens, Mistral et tout s'en va. Les écoutes pas, leur avis change comme les saisons. J'ai un 357 dans la poche. Ne bouge pas, sinon je te tire dessus. Les plus belles viennent sans qu'on s'approche. J'écoute plus, mon cœur m'a trop déçu. Sur la B45, concept loin d'appui aérien. Y'a écrit dans les livres des histoires que je valais rien. Ils m'ont pas vu sourire, mais je leur ai dit que tout allait bien. J'ai plus de chaînes au cou, ni aux mains, j'n'ai que des liens. J'ai que des liens, faut du cardio pour suivre les miens. J'arrive au bout, même si j'ai tout, sans toi j'ai rien. Arrive en paix, pas en guerre, comme 21. Cœur la serré, si tu n'as crainte, fais pas une larme. Pour abuser ma haine, y'a pas de piéton ni d'appel. J'te demanderai pas ton ciel, si reste une place sans rien dire. Et tout suit, j'vois la fin, pourtant j'ai aucune envie. On va mourir dans une salle, on a créé un sale. Un orgie, on sort le toka. Et notre amour est dans le sale. Je vais te le dire calmement. Le pauvre, il a touché les sous, il est mort. On va te finir dans le sale. Je me rapporte quoi? C'est pas les bailleux. J'ai pas de temps, fils. Je fais des affaires. 200 au compteur. Machine à compter. Face à la milice. Je suis en mode guerre. En côté tenu. M'a reconnu. C'est rien, c'est la rue. Je suis là pour mon Dieu. J'ai pas répondu à tous ces cocus. C'est pas ma concu. Je les ai conçus. Je suis pas dans la fiction. Fiction. Moi, je suis pas sur Twitter. Twitter. Je suis pas dans la fiction. Fiction. Moi, je suis pas sur Twitter. Twitter. Mon pauvre, on attend la tonne. La purée vient des tom-tom. J'ai pas confiance, mytho. Tu sais qu'on a des métaux, très tôt. Roto, j'ai fait le tour de ma ville, c'est Tchernobyl. Ville, la petite veut qu'on s'arrache d'ici, peut-être pour les îles. Zile, ça pue la tête, mais on garde la classe, je suis clean. Clean, je vais prendre un autre virage sans prévenir, sans clignot. Coller salement. Ça devient noir si on sort le toka. Même notre amour est dans le sale. Je vais te le dire calmement. Le pauvre, il a touché les sous, il est mort. On va te finir dans le sale. T'as laissé le taille dès que tu vois en gros. Mozart, capitaine Jackson 3. Pull up dans la voiture, on est trois. J'appelle des big cheese, FN à 3. Là où je vis mon chargeur sur toi. T'enlèves ta vie, je presse avec mon doigt. En vrai, tu sais même pas, je pense à quoi. Je prends du genre, arrête, je prends du poids. Même si t'essayes, tu fais même pas le poids. Paye, sinon je vais monter chez toi. Je vais les wet, ils sont battus. Les MC, je les cook à la spatule. J'suis genre de bête avec des tentacules. On les encule direct, ils capitulent. La haine de machine végétale. Blend rempli de végétal. On contrôle la capitale. Tu vois ces amygdales, ok? Bébé, laisse-moi faire. Bébé, laisse-moi faire. C'est des incapables, ils veulent me voir par terre. Ah, ils sont directs, je suis sous la mer. Je vais te faire une dinguerie, me fais pas jurer sur ma mère. La hure, ça laisse un goût amer. T'es mort si t'es dans ma ligne de mire. Ice. Ces négros sont des poussis, je sais. Hein, hop, je laisse aucune issue. Bélec, ça tire à l'arme, rousse gros, tire l'alarme avant que ça te pénètre. Ça bicrave sous un arbre, ça t'allume sous un abri. Bus, pousse-toi de là, Hugo, ça me vénère. Oh, oh, oh, oh, j'crois qu'elle est oh, oh, oh, oh, on va les temps, temps, temps, temps, fuck elle est cocos. Accroche-toi vraiment, ça va vite. On peut pas t'aider si t'es tous les jours cheaté. On va la coca, coca, coca, fuck elle est cops, cops, coco, j'suis contre les ops, ops, ops. On voit la coca, coca, coca, fuck les cops, cops, coca, je suis contre les ops. Mérite qu'on les attache tous, qu'on les mette à poil avec gros calibre 12. Cette année j'ai tellement fait de fous, braquer l'industrie la prenant par tous. Hop, hop, hop, hop, mais qu'on les shoot, on se casse tous en chap-chap. Avenue grande armée que je secoue mon champ. T'inquiète pas, moi je suis jamais seul dans ma chambre. T'inquiète pas, moi je suis jamais seul dans mon penthouse. Je reste attaché, jamais très loin du bendo. Juste histoire de voir qu'on est pas loin sur tes coups. Sinon, ouais, je m'en dis, ça dit quoi? Toujours à parler des gens, mais t'es fou, toi. Moi j'ai préféré suivre un autre convoi. La seule chose qu'on sait faire est de lui dire au revoir. Accroche-toi vraiment, ça va vite. On peut pas t'aider si t'es tous les jours. Faut voir la vie en grand. avoir la vie au calme. Envie d'avoir la vie au calme. Histoire de femme au gramme. Toujours affilié au gang. Noé t'as fini au cachot. Réseau quadrillé dans la ville RAS. Pour tout clarifier, j'ai pas vendu la mèche. J'ai dit pour l'éternité, j'aurai l'amour du Benz. Elle a toutes les qualités pour me sortir de la tête. Faut pas que j'imagine, faut pas que t'hallucines, faudrait que j't'élimine sec. Trop de gens font du bruit, trop de gens font du bruit, trop de gens font les mythos. Bouge pas devant lui, bouge pas devant moi, bouge pas, j'ai le tarpé. Trop de gens font du bruit, trop de gens font du bruit, trop de gens font les mythos. Tu demandes comment faire, mon petit faut laisser ça. J'ai laissé la caisse ouverte, ils ont voulu prendre les fers, ça. Pour avoir la vie de rêve, ça, faut beaucoup de ma paix, ça. Tu demandes comment faire, mon petit faut laisser ça. Faut voir la vie en grand, avoir la vie au calme. Envie d'avoir la vie au calme. Ça va s'arrêter. Histoire de femme au gramme. Toujours affilié au gang. Noé t'as fini au cachot. Réseau quadrillé dans la ville RAS. Pour tout clarifier, j'ai pas vendu la mèche. J'ai dit pour l'éternité, j'aurai l'amour du Banks. Elle a toutes les qualités pour me sortir de là. Réseau quadrillé dans la ville RAS. Pour tout clarifier, j'ai pas vendu la mèche. J'ai dit pour l'éternité, j'aurai l'amour du Banks. Elle a toutes les qualités pour me sortir de la tête. C'est plus qu'une histoire de love. Je suis cramé, je passe même plus au docks, yeah. T'as planqué le canon dans la portière. Ceux qui parlaient trop sont morts. Prends soin de moi, c'est le minimum. Ce shot à rockstar, c'est le minimum. Avec ou sans toi, je veux les millions. Si tu veux que je reste, faut un minimum. Un minimum, juste un minimum. Un minimum, quand je veux le million. Un minimum, juste un minimum. Un minimum, quand je veux le million. T'es mal boulot, ceux qui parlaient trop, c'est sûr qu'ils regrettent. Vivons cachés, vitreux, tentés, avec toi je suis refaite. Dans la suite à 2h du mat, on recompte la recette. Prends tes patins quand ça rétit, j'appelle pas le 17. Tous les jours bagage, encore plus d'argent. Même dans le sale, on peut pas se lâcher. Fâche plage, de toute façon, c'est ça, change les rafales. Si je me fais chlasser. Si tous les jours par balle, qu'est-ce qu'on pique des sens. Ça y a pris, ça va tout passer. J'espère que tu pisses pas cette fraîche. À part le nom, tout s'achète. Pour moi c'est pas si simple, mais je peux niquer le bras si ça me plaît. Je paye pas, tu vas servir d'exemple. Pas niquer, on prend aussi ça plaît. Je suis comme Kylian Mbappé, j'aime le papier, j'aime palper. Ils pensent qu'ils sont trop loin, en vrai ils sont pas prêts. Ils sont dans la Maxence comme Cacré. Bendo Sarzis, Niki, Bendo Z. De long en large, on en a besoin, rends-nous l'argent. Elle connaît la suite quand elle rentre dans la chambre. J'ai que le bac, mais les profs peuvent pas écrire mes textes. S'ils essayent, je leur mets les mêmes notes qu'ils mettaient. Je vais chercher mes bébés, je vais chercher métal. Pour après aller investir son métal. Le truc marron, c'est l'enfané, c'est pas de la terre. Ce que tu fais, j'ai déjà fait, donc essaie pas de la faire, s'il te plaît. Pour ton ex, t'existe plus. Je peux pas m'empêcher de vendre, je résiste plus. On mélange pas le perso et le professionnel. Comme Kylian, je voulais être joueur professionnel. Mais là, je vais au studio chaque semaine. Et à chaque fin de séance, on dit c'est quoi, je vais arrêter le rap. Quand on va tester, je te baisse pas. Ça l'a pas testé. T'arrêtes pas les balles. Comme Valter, c'est pas mal. Bah, on va le tessor, garçon. Elle va le tessor, mes rimes. Elle va le tessor. Ça, je fais du papier de janvier à décembre. J'entends sur des instruments et sur des sons. Piston, je vais tout léguer. Affliquant. Un peu trop pensif, je rallume un bambou. La chambre. Environ 4 points, je m'endors au Nobu. Je dois vendre. Je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Je dois vendre. Je sais qu'ils sont morts, mais j'en veux beaucoup. Rallum un nègre. J'échange mon pilon contre la coca. Nous qu'à récupérer, sachez les moka. Nous qu'à récupérer, sachez les moka. J'arrive en Prada, camoche de président. Pressé, je peux pas rester. Un kilo de zaza, smoke avec mes divans. Ça rigole, je me sens léger. Toujours un belly go to London. Toujours un belly go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Pull up on my ex and a newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch that she living in Paris. She can't take the ends on a Eurostar. Toujours un belly go to London. Toujours un belly go to London. Scam, scam, scam. Pour presque 20 points, que Dieu nous pardonne. Pull up on my ex in the newest car. She was like, boy, who do you think you are? I got a bitch and she living in Paris. She can't take the ends on a Eurostar. Put my life on the line and get back from my bro like a rim from a Fino. Bro on the field and he scoring points, but he stay on his dean like a rim Benzema. I came up from instant noodles, now it's no be eating shrimp tempura. My fans love me and I love them too, I'm not here for the fame, I'm here for the moolah. I was OT somewhere near the Oxford Uni, trapping, I weren't a scholar. Nah. I brushed my shoulder and popped my collar. Remember the loaf of bread went stale and the last bit of milk in the fridge had gone off. I was posted outside of McDonald's and now I'm in Lagos eating jollof. I'm there for my brother anytime that he needs, I'm here. My right. frail. I got so high, I just flew through the ozone layer. Bro stepped out of grip with a zombie killer. My demons step with a vampire slayer. We don't sell drugs to under 18s, but the kids when I try, cause they watch it. Mais si je suis derrière ce petit bâtard, c'est que j'ai traqué jusqu'à ce qu'aucun survive. J'ai dans la course pour suivre la strip, c'est comme un, on n'a pas choisi. Y'a deux de mes tings à la voiture. Vous levez les dièses masqués comme Rémi. Stérion dans la côte, gros comme Jeff Hardy. J'ai traqué AK numéro 10. J'ai la boule en face comme tout le pays. Il reste tout un tas de matos à peser, on n'est pas là pour mesurer. Allez, soyons sérieux, je mets le prix de ta baraque dans mes clips, c'est mes vrais camarades dans mes clips. Elle est chargée comme le P38, et enfin ce que je vais faire de tout celui qui siche tous pas ce que j'en ai pas assez mis. Elle a le cul plein, j'ai le cœur rouillé. Puis je me demande de pleurer, vous êtes sur 7, parce que les frères s'entêtent. Faut que tout le monde qui te fasse tout un jetter. Je vais pas clasher comme des Picasso. Je vais pas me gêner chez Amir. Je vais pas me gêner chez Swiss et West. La banquière fait saluer mon bis. Elle me dit que je vais râler avec sa grand-mère, je vais claquer mon bus. C'est plus compliqué que ça, non, juste pas, mais tu veux la crocole shit. On n'a pas le temps de jurer, voilà. Crois-moi, tu veux pas te pousser le vis. Sa grand-mère, je vais claquer mon bus. La banquière fait saluer mon bis. Elle me dit que je vais râler avec sa grand-mère, je vais claquer mon bus. C'est plus compliqué que ça, non, juste pas, mais tu veux la crocole shit. On n'a pas le temps de jurer, voilà. Crois-moi, tu veux pas te pousser le vis. Sa grand-mère, je vais claquer mon bus. Pas les connus qui t'escortent. T'es un bonhomme, tu bouges que oh. Change de spa, e-sport, tu baisses tout le monde, fait des revenge pour vous. Mon bon gars capté les corps, c'est faire des grosses parties de pièces. Sur un bon cul, je pose une liasse. Sur un bon business, je peux poser une pièce. J'ai passé l'emboîte de nuit. Et ça tombe même pas fleuri. Viens, viens ici pour c'est qui. Viens, viens ici pour c'est qui. Puisque tu t'as fini sous un jean. Il ne t'est pas rendu. Tu ne peux pas se faire au cul. Pas touche à mon argent, balle et pas. Pas touche à mon guiche, balle et pas. Pas touche à mon argent, balle et pas. Pas touche à mon argent, lolo. Pas touche à ma guiche, balle et pas. Pas touche à ma guiche, balle et pas. Pas touche à mon argent, balle et pas. Pas touche à mon argent, lolo. Quand t'es ruiné à moi, t'es ruiné à moi. Zéro sous les lunettes. J'ai les zéro sous les lunettes. De baiser, j'en ai plus le temps. Non, de gain, je n'ai plus le temps. Pas touche à ma guiche, balle et pas. Pas touche à mon argent, lolo. Yeux rouges sous les lunettes. J'ai les yeux rouges sous les lunettes. De baiser, je n'ai plus le temps. Non, de gain, je n'ai plus le temps. Pas touche à ma guiche, t'appelle et pas. Gucci, Fendi, disparaît. Fendi, disparaît. Embrouille, si t'es cascara. Embrouille, si t'es cascara. Mais dis-moi sur qui tirer. Sur qui sortir le papa. En direct de sa story. Il se passe des trucs sombres. Là, je suis plus trop sombre. Ce que je peux te faire, tu sais pas. De la hagra que des CP. Une bêtise, une FSC. Combattre, cache personne, c'est pas. Puis je retourne à mes pièces. Impliqué depuis le perso. Notre recette qui est le texte. C'est partout pareil, consacré ou descend, faut gérer. T'es le boss là-bas, ici, ça frappe vite, tu manques de respect. Parasites sont juste pas sous l'aspect. Bouillant comme les apaches, on a ramené l'inverse. Pas qu'on fait le bon, pas l'inverse. Ils sont bien alignés, un bouli, je les renverse. La roche écoutée de Panama en verse. Tu connais solide, on a bougé, mon reste en place. Toujours plus haut, c'est la devise, toi reste en bas. Sur le de ma cage, j'ai besoin d'espace. Toi t'as pas, ça fait effet de masse. Ça va que moyen, mais t'inquiète ton bras. Tu connais solide, on a bougé, mais on reste en place. Si l'ennemi jump, faut en achat, on quête ou on shot. De la ville en jogging pour un champ. Où la fin commence au de la chop. L'argent pas qu'un peu, me rêve, j'en veux un tas. On lâche pas la famille pour un plat. Chez nous, on partage, même si c'est qu'un plat. Nos blagues, on taffe en trace, on reste en place, on croit qu'on tire vivant. J'fonce comme étoile très filante. J'sais comment faire pour mon chat de vos plaintes. Si m'en sert pas le coffret, j'finance les noyés dans le feu, j'y pense. Merde, tellement que c'est pas leur dire. Et j'me détruis, y'a trop de choses qu'il faut que j'arrête. J'ai aucun ops à part l'enfoiré dans ma tête. J'suis sur le toit et les étoiles sont pas contentes. J'en veux à lui, j'en veux à elle de pas me comprendre. J'suis sur le toit, sous Jack, pied dans le vide, j'suis tenté. Et quand j'suis sobre, j'dérape, j'peux pas trop me fréquenter. Quand j'suis à plat ventre, la psy dit que j'suis mieux qu'avant. J't'attendais hier, aujourd'hui frérot j'avance. Longtemps que j'fais la queue mais la porte veut pas s'ouvrir. Pour qu'on me laisse tranquille, j'ai dû apprendre à sourire. J'attends quelqu'un, quelqu'un qui viendra pas. Et je regarde au loin, comme si c'est mieux là-bas. Moi je traîne quelque part entre solitude et succès. Leur amour c'est trop pour moi, je veux pas monter sur scène. Je monte sur le toit, sous Jack, pied dans le vide, je suis tenté. vis ça. Je dérape, je peux pas trop me fréquenter. Dans la fantôme, on est. Sans que je monte sur le chante. En cœur, dans la fantôme, on est hante. Au final, besoin les plantes. Première sommation, choc. Docteur, ces rappeurs, elles connaissent ça là. C'est même pas la peine de les galas. On sort la guitare et chante. En cœur, dans la fantôme, on est hante. Au final, besoin les plantes. Première sommation, choc. Docteur, ces rappeurs, elles connaissent ça là. C'est même pas la peine de les galas. On sort la guitare et chante. Hey, tu m'as pas passé les plugs. Non, j'ai les contacts, j'ai les plugs. Ouais, africain comme mon père. Je te mets en perte et je fume mon cœur. Ska bang bang, ska bada ska bang bang. Pour toi c'est mort c'est dead, t'as beau crier mate. Je me questionne, je sors le CB. Je te démarre, je m'en fous ton CV. Moi ça va, je connais ma support. Et j'attends pas qu'on vienne me sauver. Les vaillants seront impliqués, les Judas seront occupés. J'ai coupé, recoupé, jamais j'ai tapé, non jamais j'ai tapé. L'odeur cohabite avec mon nez. Ça va vite à la clé, y'a de la monnaie. Mais fais bélec à l'envers du décor. Tu peux laisser ta vie ou bien laisser des corps. Viser la médaille d'or. C'est dur quand tu baisses pas le froc. Lui, il veut pas ramener ma scalape. Jana, ça sera sa salade. Tout en noir sur un Suzuki. Walai Bilai, tu vas zouker. Africain comme mon père, je te mets en perte et je fume mon terre. Ska bang bang, ska bada ska bang bang. Pour toi c'est mort, c'est tête. Sans le crime à les gronder. Et c'est pas devant les petits qu'ils vont bomber. Crois-moi, c'est pas devant ces chiens qu'on va tomber. Non. Et c'est pas devant les petits qu'ils vont bomber. Crois-moi, c'est pas devant ces chiens qu'on va tomber. On a vu dans un coupé sport. Envoie ton numéro 1, 1, pourquoi pas. Mes négros sont stylés, tu vois pas. Je propose un verre, pourquoi pas. Elle me répond, coco, moi je ne bois pas. La billard, je ne bois pas. Tant pis pour elle si la billard, je ne bois pas. En même temps, c'est vrai qu'elle ne boit pas. Je lui dis, je suis connu de fou comme El Chapo. De fou comme El Chapo. Viens chez les flingueurs, c'est eux qui la champagne. J'ai beaucoup de chakras, une fois que mes idées sont perdues dans le chapal. D'ailleurs j'ai fini mon chapal, tellement c'est grand, je me suis perdu dans le château. On pèse si tu sais pas, ton mec ici vaut le prix de mon chapeau. J'aime sa poussière, elle m'excite trop. J'envoie des billets comme un cisto. J'aime sa poussière, elle m'excite trop. J'envoie des billets comme un cisto. La tout ça tue, ça tue. Et pas que dans mes clips, mais mes clips. Mon équipe c'est comme les piques, les piques. Mon système de clips et de jiggy. Fini ton boulot et j'envoie mon mia. Je n'ai qu'un coup, je suis double mon désolé. More mia. Quand t'as senti c'est déjà passé. J'aime la rue mais pas assez pour lui donner ma vie. Allez là sans parler. Comme d'hab j'ai les mains sans parler. Des antennes de flots c'est fait. Des milliers d'euros il faut. Allez là sans parler. Comme d'hab j'ai les mains sans parler. Des antennes de flots c'est fait. Des milliers d'euros il faut. De Yankee, gros, très peu de gens que j'estime. Parano, je tourne avec Emily. Baby, je m'en veux, mais rien à faire, c'est la vie. Hey, j'ai fait des joies de vie. Regarde-moi, j'en paie le prix, j'en paie le prix, j'en paie le prix. Mais trahir les miens, jamais, non. Tout pour le rendre en vrai. Je disais ça ne pas jamais, baby, c'est le jeu. Trahir les miens, jamais, non. Tout pour le rendre en vrai. se sentra jamais, baby. Tant que je t'ai pas mis la bague au doigt, je peux pas autant dépenser pour toi. J'ai pris des sous donc j'ai pris du poids. Quand tu m'en demandes trop, tu perds des points. Tant que je t'ai pas mis la bague au doigt, je peux pas autant dépenser pour toi. J'ai pris des sous donc j'ai pris du poids. Quand tu m'en demandes trop, tu perds des points. Elle sait que je viens du ghetto, hello. Si t'es faite pour moi, rapproche-toi. Sinon, reste pas là, non. C'est que je viens du ghetto, hello. Si t'es faite pour moi, rapproche-toi. Sinon, reste pas là. Non, baby, je donne pas tout, tout, tout, tout. Si t'es fait pour moi, approche-toi. Si non, reste pas là. Non, baby, je donne pas tout, tout, tout, tout. Si t'es fait pour moi, approche-toi. Si non, reste pas là. Non, non. En une seule rencontre, y'a le ice contact. Très souvent, c'est elle qui me contacte. Avant moi, tout était intact. Dans sa vie, j'ai eu beaucoup d'impact. Ouais, j'avoue, dans sa vie, j'ai eu trop d'impact. J'ai les blocs dans la vie, j'ai les contacts. Ranger ma quiche, tassée dans la boîte. J'ai qu'elle s'inquiète pour moi tous les soirs. Hey. Bébé, je suis méfiant, je suis sorti, j'ai laissé le cœur à la maison. Me demande pas pourquoi si je te raconte ça, t'auras des finitions. Et tu vas trembler. Moi, je reste avec toi, faut que tu me montres, donne-moi les bonnes raisons. Faut que tu te donnes tout. Tout, tout, tout. Automatique dans la mer qu'on fait. Si pas ça ne tape si bien que c'est un extendo, escroc, off-end zone. London to France, yeah, I got my connections. Heard it was us, you shot off the weapon. Turn up and adjust the aggression. Make a man duck in a second. Yo, look, my line, I perform for a sheesh, what you reckon? Vacuum sealed in a trap line, kick like Tekken. If we ain't got a weapon, my shit. We still got a split up the cocaine and the rocks, man. Rap, but I still straight drop. I've been in the streets, been in the hospital sheets. I repeat this beef won't stop. Never. Heard the uppers are losing a block. Can we pump when it's baking hot? Yeah, touch in the right, couple guys got dropped. Automatic dans la mer qu'on fait. Amazing shot, something just got dropped. Extendo, escort, off end zone. Automatique dans la mer qu'on fait. Si pas un son top, si y'a que c'est un loin. Extendo, escroc, off end zone. Et dans la cabine, on fait fissa. Et dans la cabine, on fait fissa. On est vrai, tu le vois sur les visages. On est vrai, tu le vois sur les visages. La prod, on agresse comme des tics, ça. La prod, on agresse comme des tics. Les gros, on les boit comme les pissas. Les gros, on les boit comme les pissas. Fous la concu dans des petits sacs. Claqué, istag, satché, isback. Les chargeurs sont pleins dans les isbacks. Pas de métissage, sombre et G-Black. Quand on le fait, ça glisse comme les mix, ça. Quand on le fait, ça glisse comme les mix. Compare nos monnaies, je veux les quiches, ça. Compare nos monnaies, les quiches. J'ai commencé sur le sap comme Yekini, Nord, Satché, Léonidas. T'es déjà dit, c'est nous le sale. On définit pendant que t'es omicap. Eux mériteraient qu'on les casse. Tac là la gorge, on les casse. Et sur la prod, les niques tout seul. Pourtant, croire qu'on est quatre. C'est dans le bloc qu'on est posté. Prospé à débloquer toutes les faves. Dans Satché, personne ne m'a appris. J't'ai dit, j'suis autodidacte. On fait gonfler l'audimat. Pull up dans des Audi Black. On est beaucoup comme les DZ. On est là pour siéger comme des oligarques. SO à PK. One more, one more. Non, j'ai pas fait de speech, je t'ai écouté le titre, elle me dit one more, one more. Flav noir encore, check ma frappe sans fort. A part que j'ai besoin de son père, j'y vais tout seul, pas besoin de renfort. Hey, hey. Dans la cabine, on fait ça. Justement, j'quitte le projet. Et après, tu vois qu'on est tirailleurs. Ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs. J'suis revenu vainqueur à chaque fois. Par récompense, c'est comme un tirailleur. Ceux qui les donnent s'en réclament pas. On m'a toujours dit d'aller voir ailleurs. Où l'on passe, elle ne repose pas. C'est signé. C'est signé. Tire pas sans gants, pas vu, pas prêt. Baisse les avant, ce qu'on m'a appris. J'te laisse ma place au paradis. Moi j'reste ici, une vie me suffit. J'sais pas tomber. Pas implanté, drapeau levé, je vais pas rentrer, dois chanter, y'a de parenté, onga, c'est pour de vrai, beaucoup de bourbiers, souvent risqués, ces gens font pas, récompensé comme un. Ses principes et valeurs, c'est comme les narcos. C'est tout droit, c'est devant, c'est comme les dracos. C'est soudain, c'est souvent, c'est comme les bracos. C'est dedans, c'est solide, des wesh kezako. Ses principes et valeurs, c'est comme les narcos. C'est tout droit, c'est devant, c'est comme les dracos. C'est soudain, c'est souvent, c'est comme les bracos. C'est dedans, c'est solide, des wesh kezako. Aucune règle, la règle en vigueur. L'œil du tiger, qu'ils en tiennent rigueur. Tout est gagné, rien à perdre, ma gueule. Tarpin sévère comme le père de Michael. C'est dedans, c'est solide comme dans la choulette. La roue tourne, c'est notre tour comme à la roulette. Principes, valeurs comme la French Connex. C'est la nôtre ou la leur, les frères connaissent. C'est le fond de la classe, c'est la classe, t'as les chiens de la casse. On a l'amour, la mort, normalité. Tout pour le mieux, tout le reste, formalité. C'est tout droit, c'est devant, on dimanche. On finira dans le ciel comme les hauts du monde. Tout le monde t'aime jusqu'à ce que tu montes. Une sœur t'aime, on est ensemble jusqu'au bout du monde. C'est principes et valeurs, c'est comme les narcos. C'est tout droit, c'est devant, c'est comme les dracos. C'est soudain, c'est souvent, c'est comme les ces principes et valeurs, c'est comme les narcos. C'est tout droit, c'est devant, c'est comme les dracos. C'est soudain, c'est souvent, c'est comme les bracos. C'est dedans, c'est solide, des wesh kezako. Je donnais un peu de nerf. J'ai laissé tout se cacher, Hermès. Besoin de personne pour dégainer. On est pressé, on te fait NRS. Libéro comme Makelele, la peu l'après-midi, le soir la cesse. Niquer des remets, parler en verlan. Elle a mis le vernis, mais je l'ai pas guélant. Uru jaune, au McDo de Guéris. Tout est noir après l'enterrement. Uru jaune au McDo de Guéris, tout est noir après l'enterrement. Ils veulent mon buzz, ma meuf m'a part. Plus je grandis, plus je suis comme mon père. Plus je grandis, plus je suis comme mon père. Mais Ego Moji Ondaga. Un peu trop de couilles, un peu trop de flair, un peu trop de four, j'ai peur de l'enfer. Je dorais un peu de ténerner, j'ai laissé tout se cacher Hermès. Besoin de personne pour dégainer, on est pressé, on te fait NRS. Libéro comme Makelele, la belle après-midi, le soir la cesse. La belle après-midi, le soir la cesse. 9 mm en plus, j'ai vu les queues se mettre à genoux balèzes. La route est semée d'embûches, putain de merde, on sait que détailler. On sait que détaler quand ça pue. Toi poteau, c'est pas la rue. Arrête les blagues, ça va te gifler. On tire sur eux. On tire sur eux et on voyage avec des papiers falsifiés. Un YZ, un ensemble nuit. C'est magnifique dehors, une cigarette, m'arrache en deux spi. Ils me contrôlent plus les ports. Et comme ils me contrôlent plus les ports, bah, ça ouvre des ports. Est-ce que tu remets, j'arrive toujours attaquer Bangoli. J'aime pas la police, c'est des gros bâtards. Ils viennent toujours nous soulever dans nos lits. J'ai ralenti le bédo maintenant. J'accélère dans l'achat de ta maman. Je vais prendre les euros, les dollars, les chèques. Et ça, je le veux en permanence. Qui veulent des sacs Hermès? Qui est leur paternel? Mon fils est mieux, il va bosser. Sinon je nique sa kermesse. Ce soir j'ai pas de Kenmis. Juste pour qu'elle capte elle-même. Juste pour qu'elle capte elle-même. J'suis une merde et j'me fous de l'entertainment. En train de j'ai un col roulé, une belle gueule. Mon pote est parti, j'ai pas fait le deuil. Charbon tous les jours, ce qui manque c'est le beurre. Raconte que la vraie vie comme Ed Burns. Ramène-moi sans plaque et j'arrête de compter. C'est plus de la musique là, c'est un avertissement. Je me revois petit dans les rues d'Alger, fais Kisma. Tu me fais de la peine, t'es comme Kanalise deux potos qui se mentent. Si je suis en feu, me rejoins hop dans les éclairs. Je suis sur l'asphalte, joue comme Ezekiel. En bas, je suis cramé dans les recettes. Vu sur la scène, sur les remparts. E19, faut que la douceur passe. Dans la nuit noire, pendant des heures. Plus tu rentres tard, plus c'est rentable. Et je vais chercher mon pain dans la ville. Attaquer, compter ma liasse dans la ville. Tja, niquer les keufs de la ville. Chahut, dans tous les cas, je suis agile. Et je vais chercher mon pain dans la ville. Attaquer, compter ma liasse dans la ville. Tja, niquer les keufs de la ville. Chahut, dans tous les cas, je suis agile. C'est marrant, gagner beaucoup d'argent m'a rendu honnête. Je suis plus vite que mon ombre, je suis de la première presse. Au portique, j'enlève ma Rolex, tout est calé. J'ai par loin, deuxième tour à Fred. Je rappe comme si j'étais mort. Je rappe comme un U17. Ta pute pour nous est ouvert, on va la faire bosser comme travailleuse du sexe. Tout baiser, le reste c'est du vent. Compter l'argent, ça met du temps. J'urine sur la police du coin. Fils de pute, pour toi j'ai du plomb. Au cas où les points ça suffit pas. Un fils de pute, ça ne s'éduque pas. Ma femme va me tuer, j'ai pas acheté le temps. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je tourne en bécane, j'arrache la plaque. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je vais le faire moi-même. Je tourne en bécane, j'arrache la plaque. Je vais le faire moi-même. Des poumons en métal, on est devenu jardinier expert en épargne. On fait couler le blé, on a ouvert les vannes. Mon peignoir, je l'ai pété dans un 5 étoiles. Allô, pas de plaque sur ma pétane. Allô, cordialement des convocats. Allô, je t'appelle mon avocat. Allô, je vais le faire moi-même. Elle sait qu'elle aime trop. Elle veut gratter ma drogue au nerf. Elle fait des blèmes, je sais qu'elle aime trop. Elle fait craquer les balles trop. Quand je sors de voiture, monte dans la S. Qui va pour j'ai chauffé la gueule. Elle fait des blèmes, je sais qu'elle aime trop. Elle fait craquer les balles trop. Je crois bien que je suis pas fait pour elle. La street m'attire, Mais je veux pas finir avec elle, non je vais pas hésiter. Si je dois réussir pour un de mes frères, en vérité, je crois bien que je suis pas vérité. Je suis même pas fait pour elle. En vérité, bébé, je suis pas fait. Si je me fais péter, elle va pas supporter. Si je me fais péter, ta couche sur tu vas prouver. Je prends mes distances, j'évite de m'attacher. À la longue, tu diras que je suis qu'un bon. En vérité, je suis même pas fait pour elle. En vérité, bébé, je suis pas fait. Je veux mon politique, on a un coup de fil. Bah ouais, je fais de la magie, tu sais que j'ai ma gratte sur la Blue Magic. Je compte pas que sur la zig, je peux pas finir fauché. Je sais que je précise comme un gaucher, gaucher. Les balles font des ricochets, cochés. Sur le terrain, virgule, crochet. Bébé, je peux pas m'accrocher. J'ai fait des dingueries pour le papel. J'ai fini la bouteille, je suis pété comme Marley. Le statut a changé. Tous ceux qui bombaient, ils se mettent à sucer. Je fais confiance au très haut. Ta dernière vision, ça sera la moto. Dans tous les faits divers, je fais couler la verge. Je me fais disque sur la photo. Elle veut la lune. Je traîne dans les endroits où y'a plus d'enjeux, la violence fait la route. Comme les deux frères, j'aimerais me dire que le monde est à moi. J'ai forgé ma fierté au feu de ma passion. Je plaiderai toujours innocent, mais je me sens coupable quand je fais preuve de compassion. La rue nous a aimés comme un papa. J'ai les sauvetages ou j'ai les parois. Tout, tout, tout, tout, tout. La haine est invisible, mais elle est palpable. Les yeux dans le vide, toujours en alerte, même avec vue sur la mer. Mon humeur fonctionne à l'énergie solaire. Je combats mes démons, je suis sous le tonnerre. J'suis toujours uni avec le regard triste. Je tombais du ciel sans parachute. La misère, je l'ai aimé si vite. Sous le soleil, elle est moins pénible. Garde ma paire, elle est vite comme les gens. J'ai perdu des gens, j'ai perdu des kilos. Je m'endors à l'heure où les anges orange leur stylo. La vie, je l'ai compris dans ma mort. Très loin des cours de philo. À l'examen j'ai écrit ce que je ressentais. Le prof m'a mis zéro. La rue nous a aimé comme un papa. J'ai les sauvetages, j'y ai pas moi. Tout, tout, tout, tout, tout. La haine est invisible mais elle n'est pas le sang. Moi je suis qui veulent voler ma part. On n'est pas des ingrats, on les connaît même pas. Y'a des machins dans le fut, bâtiment dans ma salle. On aime bien les massages si tu mets pas les temps. Ils veulent ma chute, mais nous on les connaît même pas. Dans l'époque où je découpais des quêtes plats. Allez hop, pour ce bénéfice on s'arrête pas. Allez hop, pour ce bénéfice on s'arrête pas. On a trop saigné le plancher. Faut que tu saches que la vérité je peux pas flancher. C'est évident, si tous les jours on vit dedans hein. Mais bon maintenant je suis obligé de les distancer. Augmente le son si t'as envie de danser. C'est une folasse, elle va vite se pencher. Faire toujours plus de bif que la veille hein. J'en veux plus même quand je me réveille. C'est plus la même qu'au début, les petits de la city font des passes. Si t'en vaut vraiment la paix, je me déplace. Pour qu'ils dansent bloc, faut charbonner pour la monnaie cash. Quand ils tombent, je fais bel excès de la money time. J'enroule un deuxième et je fly. J'encaisse mon bénéf et je taille. Je suis avec des Simon, on gère ça. Je vais pas dessiner mes fers ça. Y'en a qui rêvent ma chute, qui veulent voler ma part. On n'est pas des ingrats, on les connaît même pas. Y'a des machins dans le fut, bâtiment dans ma ça. On aime bien les massages si tu mets pas les temps. Ils veulent ma chute, mais nous on les connaît même pas. Loin de l'époque où je découpais des quêtes plats. Allez hop, pour ce bénéfice on s'arrête pas. Allez hop, pour ce bénéfice on s'arrête pas. Je suis agressif, mais c'est rien sur mon train de vie. Soignez-y, c'est rien sur mon train de vie. Place on my Bentley. J'ai fait ce qu'un dit avec MG. Mais c'est rien, c'est mon train de vie. C'est rien, c'est mon train de vie. Flex 2000, Kaliminoc. Impossible que ces buts, ils nous ignorent. J'pull up sur Casa, y'a Mitchie dans le T-Wagon. C'est vers la chaîne, elle a trop cru, c'est des magots. C'est vers la chaîne, elle a trop cru, c'est des magots. Qui peut le faire à part moi? J'fils dans le mille à chaque fois. Laylo. كلاب كي نبحو مورا الفاس فاش كان هلقا ما كاتو وجال كلاب راح سمنهم فاش كدي الخير كي ردو كاما كيبقى في الحال شي مكلا اخباني نكون ضدو واقفو بنادم كي نقز باش نبان كدي كدو بوعدي فرقة بحال بروك طاي مني بحال دروك مرات بيا بحال دروك وكي تسناوني بحال دروك جاي نتفرقع بحال بلو غنخبرهم بحال بلوك بيتش رفات الحال دروك يا كدي وقع اغراسي بس غير سمو تخندوي سوي ناسي غير سمو تخندوي. All I got a place on my Bentley. J'ai fait ce qu'un dit avec MG. Mais c'est rien, c'est mon train de vie. C'est rien, c'est mon train de vie. On va comme mon gars au bref. Même si c'est pas des balles qui nous arrosent. Les malheurs qu'on a connus, le bonheur qu'on a voulu. Je veux partir sans les regrets, sans me dire que j'aurais pu. Les malheurs qu'on a connus, le bonheur qu'on a voulu. Je veux partir sans les regrets, sans me dire que j'aurais pu. J'ai fait ce qu'ils ne voulaient pas. J'ai... J'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi. On s'en connaît même si on se connaît pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas. J'ai fait ce qu'il ne voulait pas. Sans plus rien à donner, moi. On s'en connaît même si on se connaît pas. Sans plus rien à donner, donner. Sans plus rien à donner, donner. Sans plus rien à donner, moi. On s'en connaît même si on se connaît pas. Sans plus rien à donner, donner. Sans plus rien à donner, donner. Sans plus rien à donner, moi. On s'en connaît même si on se connaît pas. Tu me reconnais? On se clash entre nous, mais on se connaît pas. Je voulais joindre les deux bouts, mais ça collait pas. C'est la cahier, je te dis pas si j'ai peur. Devant les condés, je te dis pas si j'ai fait. Tu peux pas nous faire bander sur ta vie. On vendait à l'époque de salif. Je suis sur Netflix, ça régale la famille. FL 510, tout droit sans freiner. Ah, ça veut savoir, c'est comment cette année. Rien chez ta daronne et allume la télé. C'est la porte de la chapelle. Pas la chapelle, Saint-Cyr. Hey, je sais comment faire pour m'en sortir. Toi, tu sais pas comment faire sans sucer. Je vais les finir. Ils vont comater, tu dois être solide comme Libra Donaté. Y'a du jaune et tu fais comme un nantais. On t'écoutait, on savait que tu mentais. Tu m'écoutais, tu savais qu'on montait. Sur le côté, y'a toujours les mêmes que t'es. J'ai qu'à la haine, car je vais jamais m'arrêter. Faut que les barrettes là, j'ai son bar à péter. Naqué, j'ai les trucs pour attaquer. J'ai fait la city comme Nathan Naqué. Moi, je suis pas trop cérémonie. Je tourne en Gamberjan dans le vaisseau. Le sang, il m'a pris un 62 au réseau. Je suis pas sorti, je suis resté à la maison. Je suis blessé, merci à ceux qui font mes missions. Je suis pas pressé, je raconte ma vie pour le dresser. J'arrive pas, je résiste. J'essaie de faire ma vie sans stresser. Tout le monde me reconnaît dans la ville, même quand elle est teintée la vitre. Les PDH, les traîtres à la vôtre. J'espère que vous avez vu que ça va vite. J'aime quand ça me prend pour un sgeg. Après, je repasse à mon compte en banque. Et ça me fait bien rire. Faut choquer des gens, frérot, pour qu'on t'entende. Maman m'avait dit qu'il y avait pas trop d'amis. Qu'en traînant dehors, il y avait beaucoup d'ennuis. Ça a pas manqué, j'ai fini solo toute la nuit. Ce soir je descends ma DSP. Ça rappelle l'époque du Vespa où y'avait trop d'inspi. Personne qui pouvait tester. Ça casse ta tête si tu manques de respect. Et on les braque sans le glock, glock, glock. C'est un braquage à la Marseillaise. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. Moi c'est 1-3, j'ai grandi où c'est gang, gang. La caisse, on est pressé comme la Tesla. Pas de grand geste, c'est direct dans la cabeça. Plus filou, faut nous filer les mapesses. On est frais, on sort de la glacière à Bielsa. Garde opposé, mets les liens dans le gros sac. Évite de faire procès, t'as joué comme dans Ozark. On a osé, le vigile sous Prozac. Leur tombe, on va creuser, c'est tout pour la causa. Demande au PN, on va tout prendre, c'est la mission. Comme les massages, un buteur, faut la finition. Dans l'Asie, on trafique, on canade. On parle peu, on balade, on rate peu comme Ahmad. Un 43 et la Fuenta. On vient, on braque et on s'en va. Traîne pas ici, dans le secteur y'a des cœurs. Vous voulez qu'on la mette au fond, mettez-moi numéro 9. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. C'est un braquage à la Marseillaise. On fait notre entrée dans les games sans faire toc, toc, toc. Et on les braque sans le glock, glock, glock. Moi c'est 1-3, j'ai grandi où c'est gang, gang. Yeah. On braque, on rentre dans leurs oreilles pissives. Et ça même si t'es Ménic BZF. A la base on est busy comme un grossiste. On les baise et puis le rap fait une grossesse. Pas de réussite, pas de gloire sans audace, non. Dis-leur Jules qui est premier au classement. T'as pris la droga donc t'as la boca. Tu joues les toqués, fais jouer la coca. On est là depuis l'époque des Piaggio. Des buteurs comme Baggio, gros moteur, gros cardio. Ouais mon gars Joe, ici on est à part. On investit les lieux, y'avait des gars dans la barque. Y'a des hommes et y'a les sols. Dans mon tech y'a que des billes. On craint des gars ni personne. Je dirais pas deux fois comme Jimmy. On arrive au casse-pédier, le mis dans l'équipe. Vous voulez des passes D, mettez-moi numéro 10. Une nouvelle vie, de nouveaux rêves, de nouveaux eyes. De nouveaux décors, amener un décès, je voulais juste l'été. Au port des étoiles, on s'y voit. J'aime pas l'insigne, j'aime pas la couleur. Elle fait des rêves, je fais des cauchemars. Que Dieu me punisse si je ressemble à eux. On est trop tété, c'est la vie du ghetto. C'est la vie du ghetto, c'est la vie du ghetto. Pourquoi j'ai cherché la porte des étoiles en bâtiment? Je me suis retrouvé dans quelques pépins en bâtiment. En bâtiment, en bâtiment, en bâtiment, oh bâtiment. La routine a sombré nos sentiments. Baby voudrait quitter le continent. Entre nous y'aura pas de maladresse. Y'a mieux à faire de gratter. J'ai pas tout fait en bien car le dehors nous a trix, moi. On se perdra à vouloir gérer le destin. Sombre festin, veut voir le lac d'Annecy. Bénédiction, ils sont bons qu'à détester. Je voulais une nouvelle vie, de nouveaux rêves, de nouveaux rêves. De nouveaux décors, quand on est si belle, j'aurais aimé les voir avec toi. Depuis le jour où tu m'as quitté, passer ta présence avec quoi. J'prends des drogues et j'voyage, des fois j'oublie. Quand ça arrive, moi j'm'en veux t'aimer. J'construis une machine qui peut remonter le temps. Faut qu'on se prenne dans les bras et qu'on se dise je t'aime, non. Si ce monde est paradisiaque, pourquoi mes pensées sont abyssales. Pour tous les romans que j'aimerais t'écrire, une éternité ne suffit à. Moi j'essaie de rester honnête. Quand ils veulent m'injecter le venin, j'ai passé toute ma journée à converger, à comment soigner mon demain. Encore un soir où je me sens lundi, on fascine traite comme un ovni. Comment bien j'ai grandi au milieu des piranhas et des zombies. Pour donner à manger, moi je peux tuer. Et j'oublie pas le héros. Dans mon quartier, je suis respecté. Parce que comme les autres, j'ai marre de zéro. Tous ces romans que j'aimerais t'écrire. Une éternité ne suffit à. 10, faut pas flipper. Y'a moins de stress en interview que dans le Banks. Faut pas flipper, ma chérie, t'es trop yo, j'peux pas te sortir dans le Banks. Faut pas flipper. Y'a moins de stress en interview que dans le Banks. Faut pas flipper, ma chérie, t'es trop yo, j'peux pas te sortir dans le Banks. J'quitte l'Arst et j'me bats en voyage. Faut pas que j'fasse sauter la caution du RBNB. J'quitte l'Arst et j'me bats en voyage. Le sable est blanc comme le fourgon de la CS. J'quitte la cité, j'me bats en voyage, voyage, voyage. Oh oh, voyage, voyage, voyage. Elle voudrait qu'on aille en voyage, voyage, voyage. Oh oh, voyage, voyage, voyage. Et tu connais la mentale, mets-moi de gros glaçons. Tu frimes avec ta location, ego, j'achète la location. Business, moi j'suis rentable, bébé, vodka pour la collation. J'ai charbonné comme Abidal pour faire partie des gros poissons. J'ai plus le même téléphone, mais je n'ai pas changé. Snapé sur l'échange, je me fais flasher, je suis trop fâché. Le fuseau horaire change, au réveil je suis déboussolé. Même si j'ai des galères, je les supporte quand je suis au soleil. Pourquoi tu m'appelles en fast time? Pour le bluff, pour la fame. Tu vas niquer ta mère, en vérité j'ai trop la flemme. Plus 3-3, je réponds quoi et vous me racontez leurs problèmes. Eh hey, vas-y tease. Vas-y, laisse-les jouer les games. Avec 23, je prends le lock. Entrée de surface, je l'enveloppe, j'aime bien le cash dans les enveloppes. Pétasse, je prends pas avec les poids. Pour les prods, viens avec les corps. Tu pars du studio avec les corps. Je parle monnaie, s'il te plaît, négro. Donc parle monnaie, s'il te plaît, négro. X67, DSF, plus de sauce que TSF. Toujours dans les temps, plus blindé que dans les tanks. Tu le requin dans la vague, négro. T'es même pas le plus gros poisson dans les temps. Je roule plus que 17 cyclistes. Faut investir dans des business cyclistes. J'pense au succès, pas au trophée. Corleone, négro, j'gagne au procès. Santos au poignet, SOOC. Fonce des Olin, SO Drophée. J'suis méchant quand j'fais renverser mes glaçons. On sait pas autant générer juste en faisant du son. 6-6-7, Dirty South Blood, j'ai fini tout le pas. C'est le sud, mais c'est pas ma vie, j'peux pas y croire, c'est un cap. J'pense au succès, pas au trophée. J'peux que penser à faire du profit. C'est le T, c'est le S, c'est le F, c'est le ça. J'ai dit, j'ferai tout pour la famille. Ça shoot, ça repart en moto. Comme un maman font dodo. Des refrains partis trop tôt. Tout au semi-auto. Trop de haine qui coule en moi. Qui coule en moi. La guerre si t'es sûr de toi. T'es sûr de toi. Putain, je te bourrais dans ta maison. Le samedi soir. Et s'il veut pas payer, on va devoir sortir le truc tout noir. J'ai la cagoule, elle dit qu'elle est folle de moi. Folle de moi. Elle sait que j'ai pas le temps pour ça. Temps pour ça. Hey. Réunion, j'impose mes conditions, gros c'est 4 pavillons, le prix de ma G-strip. J'peux déjà plus compter les certifs, on joue en ligue, un plus en G-strip. J'me sens pas à l'aise dans les go-trips, apparemment ça plaît aux gens. L'équipe est son, tu me vois sur les champs, t'es ma légende, allez remets du champagne. Tu sais très bien qui m'accompagne, bloc fait déplacer des montagnes. Vu que mon cœur il est tempagne, pas de côté sentimental. Hey, hey, hey, tous nos bastos te pètent les jambes. Flamme pas trop si tu dois de l'argent, trois singes devant monsieur l'agent. Tous les jours je fais du bif, tous les jours je fais des tannes. Je fais le mec, j'ai mes raisons. J'ai un Glock 17 tout noir, si je vide le chargeur, je l'ai fini. Ça shoot, ça repart en moto. Comme un maman font dodo. Des refrains partis trop tôt. Couteau semi-auto. Trop de haine qui coule en moi. Qui coule en moi. La guerre si t'es sûr de toi. Si t'es sûr de toi. Putain, je te bois dans ta raison. Le samedi soir. Et s'il veut pas payer, on va devoir sortir le truc tout noir. J'ai la cagoule, elle dit qu'elle est folle de moi. Folle de moi. Ils veulent la guerre, dis leur vaut mieux se calmer. Sous la tête de ma mère, on t'y a vu sans parler. De tête de ma mère, on t'y a vu sans parler. Parabellum, je ramasse mes douilles. On n'est pas comme eux, ils parlent beaucoup. Je crois que je sommes, je ramène des sous. J'ai pas honte de mes couilles au milieu des loups. Ah, je crois que tu délires, tu délires, j'enchaîne les délits, euro, dollar ou délivre. Je crois que je suis béni comme Meryl. Ils sont gang dans leur Buckley, mais c'est pas ça dans la vraie vie. J'ai pas de peau d'âme, faut que le chéri. Je suis le meilleur coup de ta chérie. Tu déconnes, Farabellum. Ils ont pas de flingue, la reggae c'est pour les hommes. Ma chérie t'es bien mignonne, mais quand je sors c'est la jungle. Je fais pas la bringue, j'essaie d'empiler les sommes. Poursuis tes gardes à vue, tout ça j'ai déjà vu. Maman fait plein de prières, plein de prières. Tu parles de rue, mais on t'a jamais vu. Traîner dans la zone, ce soir il pleut des cordes, des balles parabellum. CDG, elle revient chargée, elle arrive du Brésil. À la base c'est le genre de feu mais non fréquentable. Son style de mec c'est les mecs rentables, ceux qui l'appellent pour remplir la table. Elle fête quand rien à fêter, personne peut l'arrêter. Tu dépenses alors que t'es endetté, déterré, la la dalle des sous. Cette pute c'est une buveuse de sang, le genre de meuf quand tu roules à 100. Elle t'engraine à monter à 200, hypnotisée par ses 200. Elle te gratte des plaquettes à 2-5, putain. Elle est sur le site, pour la demi c'est minimum 200. Elle est bonne mais moche, donc elle monte son corps sur les réseaux. Est-ce qu'elle a tort, est-ce qu'elle a raison? Je laisse Dieu juger, c'est réel. Tous les hommes la veulent, alors qu'elle avec eux elle s'amuse. Femme d'affaires, elle aime tes affaires, finition babuse. Rien à foutre d'un mec bien foncé, c'est les mecs rentables. Elle se pose à la plus grosse table, elle porte des couilles dans son Jack Miss Bag. Tous les hommes la veulent, alors qu'elle avec eux elle s'amuse. Femme d'affaires, elle aime tes affaires, finition babuse. Rien à foutre d'un mec bien foncé, c'est les mecs rentables. Elle se pose à la plus grosse table, elle porte des couilles dans son Jack Miss Bag. Putain d'époque, il faut du cardio. Je vais rap à nos grosses fesses sur aucune taf. Bof, pour finir en radio. Racole les fuck fuck, j'ai trop les taf taf. J'suis la plus fuck top. La collab est locked up. On fait pas top top. Nique tout comme les cop cop. On fait taf suivre. Elles sont le seum, c'est terrible. Yeah. La sortie c'est sûr. On a retourné tout Paris. Yeah. On fait le taf suivre. Elles sont le seum, c'est terrible. Yeah. La sortie c'est sûr. On a retourné tout Paris. Yeah. Yeah. Yeah. Sur Paname et qui se promène tranquille sur ses débeugeants. Quand j'ai des affaires, tu m'appelles le sang. C'est quand je suis par terre qu'il faut être en bleu sang. Je connais des mecs qui peuvent laisser couler quand tu crois que c'est fini, viennent te trouer ta peau. Je connais des gos qui t'attendent dans la broche quand tu frappes à la porte, c'est la quête, donne le go. S.E. M.O.U.L.A. Dans le carré sous Jagda. Avec la bonne couleur du hippie, tu verras la couleur du Gatsby. Je suis habillé pour 20K, j'ai la Cosmo énergie d'Alba Frita. Bientôt je fais péter l'huracan, ils ont rayé le capot du chéné. Si t'as pas un, elle te suit pas. Si tu sors trop vite comme Guna, c'est suspect. Si t'as pas un, elle te suit pas. Si tu sors trop vite comme Guna, c'est suspect. Sur le TP équipé, si t'es pas content, triplé. Sur le TP équipé, si t'es pas content, triplé. Même si tu supplies, ils vont tirer. À l'étage, ça sent la haine, faut ventiler. Mais si tu payes pas, ça va s'empirer. On rentre dans ta tête, personne va s'en tirer. Ça pipi de lundi à domingo. Une fois que le couloir est fait, faut cramer l'auto. Sur la route, tu fais peur et des lingots. Pour les bolingos, tu me cherches. Tu vas pas savoir si silencieux ne papillon. Ils ont des bavards. On compte les bénéfices de tête. Assis dans la porte, ça divise les parts. Je l'ai fait manger sur ma part à moi. Et le pire, c'est qu'il tient le patin. Faut le petit délicat. Beaucoup trop de soi protégés. Ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Dans l'appartement, j'ai tout fait en catimini. Il se moquait de moi, il est en manutention. J'suis sur un catamaran, j'mange un dernier ma part. Grand faut pas regarder ma poche. C'est pas pour le style que le copain a une grande sacoche. Faut le petit pélican, je fais le petit coup. Trop de soi protégés, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Le jour où ils ont voulu tester, ils sont mis en danger. Allô, c'est bon, j'ai les sacs. Vale.